Bonjour, bonsoir à ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Sikilo. Au fait, je suis à Nantes. Ça fait maintenant 1 an, 2 mois, je pense bien, parce que je suis arrivé le 17 février 2017. Bah, je suis venu avec mes papiers. Je suis à la Éminent. Emina, merci mon frère. Après 1 mois, ils m'ont jeté. Ils m'ont pas pris, donc j'étais à l'hôtel. L'hôtelier, chaque jour, il m'embrouille de sortir à l'hôtel. Bah, j'étais en ville. Après, je suis rentré à l'hôtel. Je suis allé trouver. Aïmina a envoyé un autre jeune à ma place. Donc, je n'avais pas un autre coin où dormir. Donc, j'étais obligé de dormir au dehors, puisque j'étais pas en ville aussi. Mon hôtel n'était pas en ville. J'étais dans une campagne. Non, je. Donc du coup, c'est une femme qui m'a pris et elle m'a hébergé chez elle. Jusqu'à présent, je suis là-bas. Ça fait 1 an que je suis là-bas. Avec mon avocate aussi, elle ne fait que me demander des papiers. J'ai envoyé les premiers papiers. 7 mois après, elle m'a demandé d'autres papiers encore. J'ai envoyé les deuxièmes papiers. Jusqu'à présent, rien ne bouge. Donc, vraiment, je ne comprends rien pour l'affaire avocate. L'avocate aussi, souvent elle nous sauve, souvent elle demande trop de papiers. Tu as vu? Quelqu'un qui va traverser l'eau Méditerranée pour arriver ici, tu lui demandes extrait. Extrait. Allahu Akbar. Au plus, au fait que on vient avec des papiers, déjà ça montre que nous on a des papiers. Il nous dit que non, et ton apparence physique, ton attitude, le gros gros français, entre nous on ne comprend rien, on n'est pas là à l'école. Qu'est-ce qui prouve que non, on n'est pas mineur, en tant qu'on a tous les dossiers qu'il faut. Moi je ne comprends pas vraiment. Hein. Moi, on m'a dit ici mineur, mais ici sage. Un mineur ne doit pas être sage. Voici ça. Il te jure. C'est quand quelqu'un qui vole dans les supermarchés, quelqu'un qui vole le téléphone, on dit oui, toi tu es mineur. Ouais, c'est ça. Ici, en Nantes, hein. En Nantes ici. Hein. Moi, je vois ça. En fait, nous, on a traversé des choses qui sont plus dures. Quitter en Côte d'Ivoire, venir jusqu'en Europe, c'est pas petit boucan, quoi. C'est pas la Voilà. même, on n'a pas la même éducation, quoi, monsieur. T'as vu, d'autres, c'est l'éducation, on n'a pas la même éducation, en fait, quoi. Donc, on dit que toi, tu es trop sage. Il m'a dit ça, la vérité. Il dit, tu es mineur, mais tu es trop sage. Un mineur doit pas être sage. Tu vois? Donc, en gros, il faut que vous fassiez des conneries. Comme Voilà. ça, on croira que vous êtes des mineurs. Voilà. C'est pour ça, maintenant, que j'irai dans le tram, il tape tout. Non, mais c'est intéressant comme principe. Tu disais, toi, en même temps, ben ouais, on n'a pas le même vécu. Parce que Non, nous, on on n'a a pas. vécu plein de choses hyper dures. Ouais, il peut du Et du parce coup, qui fait aussi que. que peut-être vous êtes plus mature que Voilà, ça. tu vois, un mental. Parce que le blème est que ici, les Babylonais, ils sont vrais, les enfants ici, ils sont instruits. Parce qu'ils vont à l'école, ils parlent le français à la maison. Mais nous, c'est le contraire, quoi. Chez nous, dit Allah, il dit 8 ans, dit même là, si tu veux, tu ne vis plus avec ta famille. Hein. Ouais, Tu prends ton indépendant, puis tu pars. toi seul, il te parle Moi, j'ai quitté ma famille il y a très très longtemps. très. Et toi, tu dirais que c'est quoi qui t'a fait grandir ou qui t'a élevé du coup? Si t'as pas grandi de la même manière que les autres, c'est quoi qui t'a fait comprendre le plus de trucs ou avancer le plus de trucs dans ta vie? Moi, c'est la rue qui m'a fait grandir. J'ai grandi dans la rue. Attends, madame, mais moi je vais te dire la vérité. Hein. La meilleure école dans la vie, quoi. La meilleure école dans la vie, moi je trouve que c'est la rue. Beaucoup de choses, l'éducation, genre le respect, quoi. Ça monte, ça te dit hein, le respect. Avec quelqu'un, tu dois respecter quelqu'un qui est plus âgé que toi de 1. Bah chez nous, au fait, ici, ta maman parle. Elle n'a pas fini de parler, puis tu prends la parole. Ici, les jeunes, ici, ça se fait. Et puis ta maman te parle, ça te plaît pas, puis tu t'en fous, puis tu pars chez nous, ça se fait pas. Donc. Par exemple, quand tu montes dans le bus chez nous, et quand tu montes dans le bus, tu as le droit de dire bonjour à celui qui est à côté. Pourtant, ici, quand tu dis bonjour, tu regardes lui là, c'est un fou ou quoi? Et puis tu vois les grands-parents, les, je sais pas, les mamies ou bien les papas qui ont les bagages en main. Oui. Tu, même si tu ne la connais pas, tu prends le tu bagage, tu vas dépouiller ses ailes, et puis tu pars. Et si, si tu fais, on te trouve que tu es fou. Ouais, mais non, c'est vrai, monsieur, ce qu'il nous avait dit aussi là. Moi, je comprends. Parce que moi, je dis la vérité, quoi, monsieur. Moi, ici, quelqu'un, je dis la vérité. Même si c'est Macron qui était assis devant moi, je vais lui dire la vérité. Moi, ça m'arrive de mentir. Ah bon? Non, souvent, on dit la vérité, quoi, monsieur. Mais parce que même ici, là, même, nous, on voit que non. C'est vrai que les blancs aussi nous traitent pas bien. Mais les noirs aussi, nos frères noirs aussi nous traitent pas bien. Et qui sont papiers là. Nos frères noirs qui sont faits, l'enfant ici, sont les papiers ici, là. Et même nous, ils ne traitent pas bien. C'est ça aussi. Souvent, moi, ils disent que non, on dit blanc et raciste. C'est noir aussi, même raciste, mon frère. Très, très raciste. Les très racistes, même, c'est noir. Le nègre n'est pas le nègre. Moi, j'ai entré dans le tram un jour. Mes camarades noirs, ils sont assis à côté de moi. Comme ils sont nés ici, ils se sont levés. Moi, j'ai arrêté le tram, ils n'ont qu'à descendre. Souvent, souvent quand tu donnes la place à une personne black, et quand lorsqu'il monte, tu lui donnes la place, il trouve que tu es trop noir, tu es sale, en fait. Quand tu lui donnes la place, il ne veut pas s'asseoir. Okay. Mais c'est pas maintenant, pour nous, c'est quoi la solution? Reste comme ça, sans papier. Reste. C'est ça le problème maintenant. Peut-être reste 8 ans, 9 ans sans papier. Ouais. Après, il ne gagne rien du tout. C'est ça le problème. Le seul problème, c'est les papiers. Nous avons besoin de vivre comme les autres, avec les papiers. Aussi, en la France, sans papier, rien. Ce n'est pas comme les autres pays, comme l'Angleterre. Sans papier, tu peux travailler, tu peux rester tranquille, tu peux un logement, aussi dormir. Mais aussi, en la France, sans papier, rien. C'est ça le problème. Mais moi, je vais te poser une question. Qui a colonisé la Côte d'Ivoire? C'est la France, non? Mais quand un Ivoirien vient en France ici, il dort dans la rue. Monsieur, en Allemagne, c'est pas l'Allemagne qui a colonisé la Côte d'Ivoire, mais tu vas jamais voir un Africain dormir au dehors. C'est ça. Mais c'est pas l'Allemagne qui a colonisé un pays africain, hein? C'est la France qui a colonisé un pays africain. Si tu vois que nous tous en fuit pour là en Allemagne, l'Allemagne n'a pas papier, hein, c'est ça. Mais c'est pour dormir bien, pour chercher notre vie. Laisse-moi le comportement des blancs que vous faites là, non, monsieur. Ici, là, en France, ici, il y a tout, monsieur. Si tu n'as pas papier, poulet, c'est mieux que toi. Oui. Comme poulet. Parce que si poulet est malade, si tu as un poulet et bien un poulet est malade, tu dois l'envoyer à l'hôpital, non? Mais si lui qui n'a pas papier, il est malade, tu peux l'envoyer à l'hôpital? Ben, moi, je voulais savoir quelque chose. Pourquoi nous, les Noirs, si on vient ici, on souffre? Pourtant que les blancs, ils vont chez nous en Afrique. Ils sont même les rois. Chez nous, il y a Assini Mafia, Bassam, Grand Bassam. Les Blancs, ils sont là-bas. On dirait même que c'est le quartier des Blancs, quoi, Petit Paris. Ils sont là, ils vivent tranquille, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils prennent nos sœurs, nos mamans, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on est ici, on est comme des poulets, quoi. On n'arrive même pas à manger. Mais c'est quoi ça? Vraiment, hein? Moi, je suis là maintenant, bientôt, ça va dans 2 ans, je suis là, mais rien. Quoi? À ce moment, la colonisation, c'est pourquoi? Vous avez le cacao, le café, banane, quoi, tout ça, ça vient de chez nous. Essayez aussi de nous donner une petite place ici, on va s'adossier. Ah non, c'est pas comme ça, sciencé quoi. Nous, on n'a pas besoin de villas pour vivre. On n'a pas besoin de villas pour vivre. Est-ce la France en Algérie, l'Algérie française, 1 500 000 victimes algériens. La France en Algérie. Et après maintenant, l'Algérie, zone industrielle pour les Français. 502 sociétés françaises en Algérie, françaises. Et après, les Africains et les Algériens dorment en Algérie. Et après, c'est ça la liberté? C'est pas ça. Nous, des personnes comme les Européens, comme tout le monde. Non, on n'a pas besoin de villa pour vivre. S'il te plaît, petit frère, toi, s'il n'y avait pas ici, logement, s'il n'y avait pas, tu sais, des fois, on a un peu d'orange, on a un peu de pain, on a toi, quelque chose à manger, quelque chose à mettre dans le ventre. Moi, j'étais comme vous, hein, ça fait 48 ans que je suis en France, je suis à Nantes, toi. Et j'étais cuisinier, j'étais manœuvre, j'ai traîné, moi aussi, je traînais dans les rues. Et je veux dire que s'il n'y avait pas de logement, t'as pas de sommeil, si t'as rien à manger, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas voler, hein. Tu vas faire des conneries, mon frère. C'est ça qu'il disait tout à l'heure. Tout à l'heure, il disait que. Il n'y a pas le choix, parce que tout à l'heure, il disait qu'ils attendent qu'on ait des mineurs, ils attendent qu'on fasse des bêtises. Mais ils ne peuvent, peuvent pas faire des bêtises, parce qu'ils sont, ils sont entourés de, des adultes. Ils sont entourés des de grands. Les grands aussi sont là derrière eux qui disent ben non, faut rester sage. C'est des questions différentes, comme il dit le petit frère. Mais c'est vrai, si vraiment il n'y avait rien à manger, ou rien à mettre sur le dent, on met dormir par terre ou dormir dans la rue, oh, moi, je préfère aller voler des chaussures à 1000 euros ou 1500 euros pour les vendre 200 ou 300 euros, ou même pas, 50 euros, juste l'histoire de, d'avoir un petit morceau de pain et un endroit pour dormir. Parce que l'hôtel, ça coûte entre 40, 50, 52 euros. Là, moi, quand j'ai quitté le château, bah, je suis resté 4 jours à l'hôtel. 140 euros pour 2 jours. Pour 4 jours, pardon. Je préfère les avoir sans manque. Après, je suis venu là parce que j'ai plus de sous. Et j'ai gueulé pour avoir ma place. Parce que j'avais faim et un manque de sommeil. Pour un homme de 60 ans, c'est. Mais dans ma tête, j'ai pas 60 ans. J'ai 15 ans, comme lui. Et alors, monsieur le jeune homme de 15 ans, est-ce que vous pouvez, parce que là, du coup, il y a plein de choses qui ont été dites sur les parcours des gens, des jeunes qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous décrire, du coup, c'est quoi les conditions ici? Et là, si vous avez réussi à avoir une place ici, ça ressemble à quoi une place ici? Bah, une place, non, je ne suis pas un château, mais juste un endroit pour dormir. Tu vois? Et c'est mieux pour eux d'avoir des chambres. S'ils ont des chambres, bah, tant mieux pour eux. Il y en a qui ont des chambres, ils sont à deux. On peut mettre quatre. Tu vois? On peut mettre même mettre six. Parce qu'il y a des mondes qui sont arrivés ce matin. Il y a au moins une dizaine de personnes qui sont arrivées. Okay. Alors, on est rendu à 310, 320. Il y a combien de chambres? 200. Ok. Je sais pas, 100, 120, 75, ouais, bon. Okay. Ouais. 75 chambres. Voilà, et puis il y a des gens qui dorment dehors aussi. Là, ici que j'arrive le matin, ils sont là sans couverture, sans rien. Alors, je leur mets une couverture quand je peux, ou une couette quand je peux, ou quelque chose. Au moins, on dirait que c'est leur maman qui vient de le couvrir, toi. Et vous leur chantez une berceuse? Oui, ben non, je chante pas, mais au moins je leur mets une couverture sur le dos. Okay. Parce que quand tu vois un enfant, un jeune qui plie en deux, avec ses chaussures, sa capuche sur la tête, c'est qu'il cherche la chaleur. Si tu mets une couverture, ben, ça fait déjà, il va se détendre et se déplier. Ça se détend, se déplier, ça fait plaisir. Toi, au moins si on me le met sur la couverture sur mon dos, ben, je serais content, toi. Au moins, quand il dit enfin, il y a un ange qui passe. Quelqu'un, voilà, c'est tout. Moi, je pensais pas que la France était comme ça, quoi. Puisque la France, c'était l'un de nos rêves d'arriver, quoi. On pensait que nous, si on arrivait, ouais, c'était bon. On allait commencer des choses à faire, quoi. Ben, au fait qu'on est arrivé, ben, rien ne bouge. C'était mieux même quand on restait là-bas au pays, quoi. Puisqu'on a franchi des choses, qu'on a dormi dans la forêt. On n'arrivait pas même à manger souvent. Tu tapes 3 semaines sans te laver et traverser l'eau Méditerranée. Vraiment, c'est pas facile. Un enfant français ici, tu le mets sur Méditerranée, il n'a qu'à traverser pour aller en Afrique. C'est son cadavre. Son cadavre. Et le désert même les 2 heures. Tu vois tes potes, ils descendent dans l'eau. On dit liberté, égalité, fraternité. Bah moi je sais pas, ça signifie quoi parce gagner. Que moi je comprends pas. Il hein. Y a pas égalité pas ici. Malgré j'ai ma carte junior, mais je suis pas libre. Liberté non plus. Je vais à la française depuis du. Je dors, je mange français, je parle français, où j'y vais, je parle français, je vais à la française, mais c'est pas pour ça que je suis libre. C'est pas comme nous. Vous, c'est pas comme nous. Parce que. Excuse-moi, moi je suis venu avec un groupement familial, c'est-à-dire, je suis venu en 2 février 1973. Toi, il y a 37 ans, 38 ans bientôt, toi. Et donc je suis arrivé à 14 ans, je ne parlais pas français, j'ai appris tout ici, à l'école, par les copains, à la télé, uniquement fréquenter les Français. Si je parle français, c'est uniquement. Si j'avais encore fréquenté les Marocains, j'aurais parlé plus arabe que français. Mais comme j'ai de la chance, j'habitais dans un quartier qui vient de construire le taureau, tout neuf, donc il n'y avait que des Français et il n'y avait pas d'étrangers autour de moi, donc je parlais.